Cela fait maintenant plusieurs semaines que Monsieur X distille ses secrets. J'ai l'impression que lui et moi prenons des habitudes. En tout cas, je crois que mon interlocuteur se livre plus facilement. Bien sûr, il demeure toujours aussi strict quant au respect absolu de son anonymat. Mais on dirait qu'il trouve chaque fois un peu plus de plaisir à m'étonner, ce qui renforce aujourd'hui ma conviction. Notre première rencontre à la bibliothèque de l'Arsenal ne devait rien au hasard. Monsieur X avait choisi son moment et son intervieweur pour parler, pour livrer son petit paquet avant de partir, comme il me l'a dit lui-même lors de notre première rencontre. Une sorte de pied de nez à cette histoire qu'il a si souvent côtoyée, cette histoire bien sûr avec un grand H, cette histoire dans laquelle il est parfois intervenu en acteur ou en visiteur de l'ombre. Nous nous trouvons donc, une fois de plus, en face l'un de l'autre, dans cette pièce anonyme et silencieuse qui semble située un peu hors du monde. À côté de lui, M. X a posé un gros dossier sur la couverture duquel je lis, écrit en lettres rouges, le mot « Odessa ». Mais pourtant, jamais M. X ne compulsera ce dossier. Sa mémoire, je vais le constater de nouveau, est vraiment exceptionnelle pour un homme de son âge. Odessa. Avant même que ne commence notre entretien, je devinais que M. X allait me parler de ce mystérieux réseau d'évasion des nazis mis en place après la Deuxième Guerre mondiale. Mais encore une fois, j'allais être pris au dépourvu, au moins par la façon étrange dont notre entretien a commencé. What do I do when lightning strikes? Il y a des légendes qui ont vraiment du mal à mourir, mais enfin bon, ça c'est le propre des légendes, non? On ne pourra jamais empêcher les gens de rêver, bon, tant mieux d'ailleurs, parce que... Mais est-ce que vous avez déjà entendu parler du trésor des SS? Bah oui, comme tout le monde, hein. On a parlé, si je me souviens bien, de caisses d'or, et puis de tout cet or raflé un peu partout en Europe. Bon, et aussi l'or des déportés, enfin ces milliers de dents en or qui ont été prélevées sur des cadavres et qui ont ensuite été fondus. Bon, l'or des dentistes, comme on disait à l'époque. C'est horrible, d'ailleurs, l'expression. Ouais. Enfin, l'argent, et a fortiori l'or, n'ont pas d'odeur, n'est-ce pas? Surtout pour les salopards. Donc j'imagine que si vous abordez le sujet, c'est que vous avez des informations sur ce trésor des SS. Oui, mais des renseignements de première main. Alors vous savez où il est? Oui, exactement. Mais il ne ressemble peut-être pas tout à fait à ce que vous imaginez. Non, soyez plus précis. Bon, un peu de patience. Et on va faire un petit peu d'histoire, si vous voulez bien. Le trésor des SS, on l'a d'abord localisé dans un lac autrichien, le lac Toplitz. Mmh. Bon, je ne sais pas si vous connaissez la région, mais c'est vraiment très très beau. Hein, au cœur des Alpes autrichiennes, l'Alpenfestung, comme disait Goebbels, c'est-à-dire la forteresse alpine. Bon, pourquoi? Bah parce que les nazis pensaient y livrer leur ultime combat et tomber là-bas en héros. La mythologie germanique, toujours. Mais l'histoire en a décidé autrement. Et quand vous dites « on a localisé le trésor dans le lac Toplitz », là, mais qui est comment? À ma connaissance, ce sont les Américains qui ont eu le vent, le premier, de l'existence du trésor. Assez tôt, d'ailleurs, je crois, vers 1946. Et vous, à ce moment-là, qu'est-ce que vous faites? Moi, j'occupe des fonctions un petit peu spéciales, peut-être dans le sein des forces d'occupation françaises. En réalité, j'enquête à ce moment-là sur la disparition de quelques nazis importants. Bon, et aussi sur quelques savants qui intéressent notre pays. Des cerveaux. Mais j'y reviendrai un jour, si ça vous amuse. Le trésor, hein, revenons à nos moutons. Tout le monde s'y intéresse. Bon, vous l'imaginez bien. Bon, nous aussi, les Français, hein, on ne peut pas dire qu'on ne s'y est pas intéressé. Mais alors, deux faits nous mettent la puce à l'oreille. Ouais, quand vous dites nous mettre la puce à l'oreille, c'est vous, les services français, c'est ça? Bah, bien évidemment. Alors d'abord, on apprend l'arrestation à Salzbourg d'un certain von Hummel, qui n'est pas n'importe qui, puisque c'est un proche de Martin Bormann. Il a même été son assistant. Et Bormann, qui était lui-même un des plus proches et un des plus importants collaborateurs de Hitler. Et dont, entre parenthèses, on n'a jamais retrouvé la trace. Donc, le docteur von Hummel est arrêté. On trouve sur lui de l'or pour une valeur de 5 millions de marks. Mais pas une bagatelle. Hein. Non, pardon, 5 millions de dollars, et non pas de marques. Il y avait une différence. Bon. En peu de temps après, dans la même région, nouvelle découverte. Un paysan met la main sur une caisse bourrée de pièces d'or. Bon, et cela, pas très loin d'un château ayant appartenu à Ribbentrop. Alors, c'était ça le trésor des nazis? Non. Une petite partie. Mais en tout cas, ces deux découvertes successives provoquent beaucoup d'effervescence, ça, tout le monde sait. Tout le monde? Bah, tous ceux qui se préoccupent de retrouver les nazis en fuite. Donc, tout le monde sait que cette région de l'Autriche, comme je vous l'ai dit, était considérée comme une sorte de sanctuaire par les SS. Ils y avaient édifié des maisons, des hôpitaux, des centres de recherche. Bon, autant de planques et donc de cachettes pour les documents et le butin des nazis. Tenez, je peux vous révéler aujourd'hui que nous, bon, enfin, nous, je veux dire les Français, nous avons trouvé des lingots sur le toit de certaines maisons, des lingots qui avaient été peints couleur brique. Ouais, joli trésor sur le toit. Mais tout à l'heure, vous m'avez parlé du célèbre lac Toplitz. Bon, bah, j'y viens. La région, donc, est suspecte. On y a noté d'étranges mouvements de population. On y repère la femme d'Eschmann. On découvre que le chef de la Gestapo, Kaltenbrunner, y a loué une maison. Bref, on a l'impression de brûler. On n'a pas tout à fait tort. En 46, deux promeneurs repêchent une boîte en bois sur les rives du lac Toplitz. Ils la remettent à la police autrichienne. À l'intérieur, il y a des plaques gravées qui permettent de contrefaire les dollars. Alors le trésor des nazis serait donc composé de fausses monnaies? Le trésor des nazis, non. Mais le trésor du lac Toplitz, oui. Et bon, on va bientôt en avoir la preuve, car pensez bien qu'après cette découverte, on va plonger dans le lac, on va fouiller. Bon, et au bout du compte, c'est vrai, on ne remontera que des caisses contenant de la fausse monnaie, bon, surtout des fausses livres sterling. Mais ça n'empêche que le lac Toplitz reste un des hauts lieux de la chasse au trésor. On murmure même qu'au fond de ses eaux glacées dort toujours une formidable fortune. Légende. Mais ça, vous n'y croyez pas, vous? Non, pas du tout. Puisque je vous ai dit que moi, je savais où se trouvait le trésor des nazis. Alors loin, très très loin du lac Toplitz. Je sais quelque chose contre jour maudit, comme un lundi, entre la rose et le poignard, et tant d'autres choses, drame de la jeune. Monsieur X ne croit pas au trésor du lac Toplitz, mais d'autres y croient. Et ce qui est étrange, parmi ceux-là se trouvent beaucoup d'anciens nazis, donc des hommes qui auraient pu bénéficier d'informations privilégiées sur le trésor. Autre chose, le lac Toplitz a été fatal à plusieurs chasseurs de trésors qui ont trouvé la mort. L'un d'eux, un certain Egner, se noya au cours d'une plongée dans les années 60. C'est en recherchant son corps que les autorités autrichiennes ont trouvé, au fond du lac, comme me l'a dit M. X, plusieurs caisses de faux billets de banque anglais, des planches à graver des billets de 5 livres et aussi des armes en pièces détachées. L'argent, c'est le nerf de la guerre, non? Bon, en l'occurrence, ça a été aussi le nerf de l'après-guerre. Je vous explique assez vite, mais peut-être pas assez. Les Alliés ont eu la conviction que ces filières d'évasion des nazis existaient. C'est-à-dire que ces types, tous des criminels de guerre, avaient précédé leurs échecs, en quelque sorte. Les nazis étaient organisés jusque dans la défaite. Ces filières étaient donc, étaient donc des filières officielles nazies. Bon, en un certain sens, oui. La hiérarchie SS y avait veillé. Il faut dire que les nazis ne se faisaient aucune illusion sur le sort qui leur serait réservé. En un sens, c'est d'ailleurs un formidable aveu de culpabilité. Les nazis savaient qu'ils avaient commis des crimes abominables et qu'ils seraient jugés comme des criminels. Nullement repentants. Hein. Ils avaient prévu leur fuite et aussi, ce qui est plus préoccupant, la survie du nazisme. Et c'est là où je voulais en venir. Il leur fallait de l'argent, beaucoup d'argent. Bon, reprenons les choses dans l'ordre. Attends, je vous rappelle que vous, à l'époque, vous étiez justement chargé de retrouver des nazis qui avaient disparu. Exact. Bon, et c'est comme ça que je découvre l'existence de ces fameuses filières. Le hasard fait que je tombe un jour sur un bonhomme qui avait appartenu au service de contre-espionnage allemand. Ouais, c'est-à-dire l'abwehr de l'amiral Canaris, hein, c'est ça? Tout à fait. Cet officier était tombé dans nos filets par erreur. Parce que c'était nullement un nazi, bien au contraire. Il détestait même cette fameuse racaille nazie, comme il disait. Et au cours d'un interrogatoire, c'est lui qui, le premier, m'a parlé d'Odessa. Il a d'ailleurs eu l'air surpris que j'ignore tout ce réseau d'évasion. Mais c'est vrai que nous avons été naïfs et que nous avons largement sous-estimé la capacité d'organisation de ces fameux nazis. Hmm. Odessa, ce nom-là, pourquoi Odessa? Odessa, ce sont des initiales, ça veut dire à peu près, hein, organisation des membres des SS, enfin quelque chose comme ça, je ne me souviens plus très bien. Alors comment ça marchait? Dès la fin de la guerre, les SS importants avaient reçu pour consigne de se cacher, de vivre sous les fausses identités. Bon, ça, c'était pas très difficile, la période était confuse, comme vous l'imaginez. Et la chasse aux nazis était organisée non pas par des Allemands, mais par les autorités alliées, bon, c'est-à-dire par des étrangers. Alors que les SS, eux, ils étaient chez eux, comme des poissons dans l'eau. Ils devaient donc vivre discrètement, en attendant qu'on les exfiltre, comme on dit maintenant. Et Odessa, c'était d'abord ça, une organisation qui permettait aux anciens SS de quitter l'Allemagne clandestinement. Mais comment quitter l'Allemagne et puis surtout pour aller où? Comment? Là, je peux vous affirmer que les SS ont fait preuve d'une singulière imagination. Premièrement, Odessa était une fantastique machine à fabriquer des faux papiers. Bon, des faux papiers impeccables. Deuxièmement, les chefs d'Odessa utilisaient à leur profit l'infrastructure des forces d'occupation. Je vous donnerai un seul exemple particulièrement ingénieux. Les Américains employaient des chauffeurs allemands pour diverses tâches. Eh bien, les SS avaient infiltré le système et ces chauffeurs étaient souvent d'anciens soldats ou sous-officiers des unités SS qui s'étaient engagés, sous des noms d'emprunt puisqu'ils avaient des faux papiers. Et c'est ainsi que nombre d'anciens nazis ont pu franchir la frontière entre l'Allemagne et l'Autriche, cachés derrière des piles de journaux de Star and Stripe, le journal de l'armée américaine. Ouais. Et les Américains n'ont jamais eu aucun soupçon? Si, mais trop tard. Il existait aussi des relais à proximité des frontières, tous les 50 km à peu près, là où les fuyards pouvaient trouver refuge. Ouais, des relais, c'est-à-dire? Des maisons, amis, des auberges, des fermes, pour la plupart du temps isolées, où on pouvait y accueillir jusqu'à 5 hommes. Et ensuite, ces nazis, ces fuyards-là, où allaient-ils? Certains prenaient la route de la Suisse, puis de là, ils s'envolaient pour le Proche-Orient ou l'Amérique du Sud, où ils trouvaient des comités d'accueil parfaitement efficaces. Ça, on en reparlera. D'autres, les plus nombreux, passaient en Italie. Car c'est là que l'organisation Odessa a fait les prodiges. Des prodiges, vous y allez peut-être quand même un peu fort. Pas du tout. Avez-vous déjà entendu parler de la route des monastères, M. Pinault? Sur les vieilles roses du couvre-lit, j'entends les choses d'ici. Dehors explose le genre humain sans même une cause. La route des monastères italiens. Monsieur X va tout nous révéler sur cette filière d'évasion mise au point par Odessa. Mais avant, je voudrais vous livrer le fruit de mes propres recherches. J'ai retrouvé un livre passionnant écrit par le célèbre chasseur de nazis, Simon Wiesenthal. Sous le titre « Les assassins sont parmi nous », Wiesenthal écrit, je le cite, « Odessa était en rapport avec des contrebandiers professionnels dans toutes les régions frontières et avec les ambassades d'Espagne, de Syrie et de pays d'Amérique du Sud dans différentes capitales européennes. L'organisation avait gardé le contact avec la section spéciale de l'assistance sociale de la phalange espagnole qui prenait en charge les passagers vers l'Espagne et assurait leur transport en Amérique du Sud. D'autres furent emmenés à Gênes où ils embarquèrent également pour l'Amérique du Sud. » Wiesenthal confirme donc les propos de M. X. Odessa n'était pas un mythe, mais une organisation puissante dont les ramifications étaient internationales. Alors, cette route des monastères, c'est une expression qui ressemble un peu à un argument touristique. Bah, drôle de tourisme, en effet. Au départ, il y a un homme, le colonel Walter Rauf, un type qui doit sa carrière à Martin Bormann. Tiens, encore lui. Oui. C'est pas un hasard. Rauf, donc, lui, est nommé fin 43 chef du SD en Italie. Le SD, c'est le service de sécurité de la SS. Autant dire une des pièces maîtresses du système nazi. Et quelle est la mission de ce Rauf? C'est là que ça devient absolument extraordinaire. On est fin 43, je vous le rappelle. La guerre va encore durer un an et demi. Et pourtant, sur l'ordre express de Bormann, Rauf est chargé de mettre en place ce que l'on a appelé la voie romaine, c'est-à-dire une filière d'évasion pour les nazis. Ils étaient prévoyants, ces gens-là, non? Mais ce qui est étonnant, c'est que Bormann, on le sait, c'était l'éminence grise de Hitler. Hein. Donc s'il met en place cette filière d'évasion, c'est qu'il n'avait pas tout à fait confiance dans les capacités de son chef à gagner la guerre. Bon, il était lucide, c'est tout. Et à votre avis, Hitler était au courant? Bon, c'est bien, j'en sais rien. Enfin, à mon avis, non. Bormann a déjà tourné la page, lui. Il sait que c'est fichu. Et l'important pour lui, c'est de préparer l'avenir et de faire en sorte que le nazisme survive à Hitler. C'est pour ça qu'il demande à Rauf d'organiser la voie romaine, c'est-à-dire la route des monastères. Bon, alors, les monastères, il fallait donc des complicités religieuses. Naturellement. Rauf avait un allié dans la place, Monseigneur Alois Soudal, le chef des catholiques allemands qui vivaient en Italie. Un évêque qui n'a jamais caché ses sympathies pour les nazis. Avec son aide, mais aussi celle d'un religieux croate, Draganovic, Rauf court de couvent en couvent et il convainc les moines d'accueillir, le moment venu, les réfugiés allemands. Et comment il les convainc? Oh, très simple. Il leur dit que bientôt les communistes vont prendre le pouvoir en Italie. Il sera donc de leur devoir sacré de protéger tous ceux que les communistes vont pourchasser. Et les moines, surtout les franciscains, acceptent. Certains par conviction, d'autres par esprit de charité. Il faut d'ailleurs observer que ce sont parfois les mêmes qui ont protégé et caché les juifs et qui, ensuite, dissimuleront les nazis. Ça doit être ce qu'on appelle l'ironie de l'histoire. Oui, mais je vous rappelle en tout cas qu'en France aussi, un type comme Touvier a reçu l'assistance de religieux lorsqu'il lui a fallu se cacher. Hein. Oui, bon, il y a beaucoup, vraiment beaucoup de secrets dans les communautés religieuses, mais enfin, n'exagérons pas. Ce qui compte, c'est que Rauf remplit à la perfection la mission que Bormann lui a confiée. La voie romaine est prête pour le jour où le Troisième Reich s'effondrera. Qu'est-ce qu'il est devenu, ça, Rauf? Aujourd'hui, je l'ignore. Bon, sans doute est-il mort. Enfin, pendant longtemps, il a été, je crois, éleveur de moutons au Chili. Enfin, c'était pas tout à fait un éleveur comme les autres, parce qu'il voyageait beaucoup et qu'il disposait d'une fortune assez considérable. Mais rien chez ce sinistre individu n'était vraiment ordinaire. Puis nous n'avons pas fini d'en parler. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi cette fameuse filière romaine a fonctionné aussi bien. Je vais vite. Au printemps 45, Rauf met la main sur les archives secrètes du parti fasciste. Ça, c'est extraordinaire, mais comment? Là, j'avoue, je ne sais pas. Enfin, n'oublions pas qu'au printemps 45, on voit l'effondrement total des fascistes. Et je crois que c'est fin avril que Mussolini lui-même est interpellé et mis à mort. D'ailleurs, en Italie, les Italiens ne comptent plus. Ce sont les Allemands qui ont les choses en main, même si c'est pour peu de temps, Alors Rauf s'empare des archives secrètes des fascistes, un vrai trésor pour celui qui... À condition de savoir quoi en faire. Hein. Bon, bah pour ça, Rauf ne manque pas d'imagination, ni de scrupules d'ailleurs. C'est ainsi qu'il prend directement contact avec les partisans italiens. Il leur signale tout simplement « Je possède les archives des fascistes, je détiens les noms de tous les militants, de tous les agents secrets, de tous les délateurs. » Alors, donnant. Et qu'est-ce qu'il demande en échange ? La liberté. La liberté d'agir à sa guise en Italie. Enfin, l'impunité pour son réseau. Et les partisans italiens, dont beaucoup de communistes, hein, les partisans italiens acceptent. Oui, aussi étonnant que ça apparaisse, mais bon, il faut comprendre que ces archives sont essentielles pour eux. C'est grâce à ces archives qu'ils vont pouvoir épurer, traquer les fascistes, les juger. Bon, et tant pis si en échange, ils doivent fermer les yeux sur l'existence de la filière des fugitifs nazis. Ouais, encore une fois, ça me semble quand même tout à fait extravagant. Mais c'est pourtant la vérité. Et autant vous dire que Rauf n'a pas donné ses archives en une seule livraison. Non, il a fait durer le plaisir. Parce que tant qu'il détenait les documents, il était en sécurité. Et avec lui, le réseau Odessa, la fameuse route des monastères. Mais Rauf n'en est pas resté là. Ah, ça y est, on va quand même retrouver le trésor. Et effectivement, ce fameux trésor des nazis. Car Rauf et son compère Bormann ont été parmi ceux qui ont permis que ce fabuleux trésor passe à travers les mailles du filet. Y'a tant de vagues et de fumée qu'on n'arrive plus à distinguer le blanc du noir et l'énergie du désespoir. Le téléphone pourra sonner. Il n'y aura plus d'abonnés et plus d'idées que le silence pour respirer, recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. Tout seul avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Je m'en irai courir dans le paradis blanc, loin des regards de haine et des combats de sang. Retrouver les baleines, parler aux poissons d'argent, comme avant. Y a tant de vagues et tant d'idées qu'on n'arrive plus à décider. Le jour où j'aurai tout donné, que mes claviers seront usés d'avoir osé toujours vouloir tout essayer et recommencer là où le monde a commencé. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où les manchots s'amusent dès le soleil levant et jouent en nous montrant ce que c'est d'être vivant. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc, où l'air reste si pur qu'on se baigne dedans, à jouer avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. comme avant. J'ai retrouvé la trace de ce Rauf dans un ouvrage de Philippe Aziz sur les criminels de guerre nazis. Entre parenthèses, au Chili, Rauf était plus homme d'affaires qu'éleveur de moutons. Et il a surtout été chef des services de sécurité chiliens sous Pinochet en 1974. Aziz raconte qu'en 1945, Rauf a été arrêté en Italie par les Américains et emprisonné. Mais grâce à l'intervention d'un prêtre, il a été transféré dans un hôpital militaire près de Milan. C'est là qu'il a repris contact avec un certain Louveni, un responsable des partisans communistes. Que s'est-il passé entre les deux hommes? Y a-t-il eu passation d'un marché? En tout cas, écrit Aziz, deux jours plus tard, un groupe de partisans a fait irruption dans l'hôpital et a libéré Rauf. Voilà, Monsieur X, êtes-vous enfin décidé à me dire la vérité au sujet du trésor des nazis? Bien sûr. Et figurez-vous que, très curieusement, son histoire commence chez nous. Oui, ici, en France. Vous voulez parler des biens pillés, de toutes ces œuvres d'art que les nazis ont volées? Mais pas du tout. Je veux parler d'une réunion de messieurs très grave et très important, réunion qui s'est tenue très exactement le 20 juillet 1944 à l'hôtel de la Maison Rouge, place Kléber, à Strasbourg. Ouais. Quelle précision! Comment vous pouvez être aussi précis? Parce que j'ai eu la chance de retrouver, sur l'un des responsables de la fameuse filière Odessa, un compte-rendu de cette réunion. Bon, et sans exagérer, je peux vous dire qu'il s'agit là d'un des secrets les plus considérables de la Deuxième Guerre mondiale. Admettons. Alors, qui étaient ces messieurs, comme vous avez dit, graves et importants? Tout simplement, le gratin de la finance et de l'industrie du Troisième Reich. Tous! Ils étaient tous là! Krupp, bien sûr, mais aussi les patrons de Messerschmitt, Ig Farben, Thyssen, etc. Et qui trouvons-nous également au milieu de cette assemblée des maîtres de l'économie allemande? Bormann et son compère Walter Rauf. Surprenant, non? Oui. En tout cas, quel était le but de cette réunion ultra-secrète? Sauver le nazisme, tout simplement. Assurer sa survie. Et l'homme clé, c'est Bormann. Encore lui. Oui, il ne pense plus à la Deuxième Guerre mondiale. Pour lui, tout est fini. Mais ça va encore durer 10 mois quand même. Hein. Non, il sait très bien que c'est terminé. Et déjà, il pense à la prochaine. La Troisième Guerre mondiale? Guerre militaire ou guerre idéologique, peu importe. Hitler sera vaincu, d'accord. Mais pas son message. Mais pas son idéologie. Voilà ce que Bormann a en tête. Et s'il a réuni tous ces industriels et financiers qui pèsent ensemble des dizaines de millions de marques. Hein. C'est pour ça, je vous le disais tout à l'heure. Le nerf de la guerre. Il n'y a pas de combat possible sans argent. Alors, s'ils les réunissent, c'est pour leur soutirer de l'argent? Non, mieux que ça. Ils leur demandent de transférer des fonds à l'étranger, d'ouvrir des comptes secrets, de créer des sociétés, d'investir dans des entreprises existantes. Et il n'a pas de mal à être convaincant. Quand l'Allemagne sera occupée, vos banques, vos biens, vos usines, leur dit-il, seront confisquées. Alors, faites vite. Et ce jour-là, on décide donc de mettre en place un véritable réseau financier clandestin et international. Vous comprenez maintenant? Ouais. Alors, le vrai trésor des nazis, c'est ça. Voilà. Il était absolument inutile de le chercher au fond du lac Toplitz. Il se trouvait donc dans des coffres-forts un peu partout dans le monde. Des dizaines, des centaines de sociétés ont été constituées. À leur tête, des hommes de paille, strictement contrôlés. Et puis derrière toute cette organisation, il y avait bien sûr la fameuse peste brune, la machinerie nazie. Et c'est comme ça que les filières d'évasion étaient financées. Odessa, la voie romaine, oui, la route des monastères. Oui, Odessa. Parce que ça coûtait très cher, l'organisation et le financement d'un réseau aussi sophistiqué. Et puis, il fallait non seulement faire évader les responsables nazis, leur fabriquer une nouvelle identité, mais il fallait aussi leur trouver des situations dans les pays d'accueil où on les envoyait. Et grâce à ces sociétés fondées à l'étranger, c'était facile. Il y a quand même une parenthèse, puisqu'on le film de Madonna vient de sortir, là. On dit que grâce à Evita Perón et à son mari Perón, 15 000 nazis ont trouvé refuge en Argentine. Ça fait peut-être partie de votre histoire, ça aussi. Enfin bon. Où sont mais, partie. Mais alors, on ne les a pas tous situés, ouais. Exactement. Mais alors l'or, hein, c'est l'or des dentistes, hein, cette horrible expression que vous avez employée tout à l'heure. Là. Cet or, il existait quand même bel et bien. Alors qu'est-ce qu'il est devenu? Il a été tout simplement transformé en lingots qui ont été transférés discrètement dans les banques à l'étranger. Bon, il a aussitôt servi d'ailleurs à monter ces fameuses sociétés, puis à leur assurer des fonds propres. Il a été blanchi, en somme. Hein. Mais vous avez dit que... L'idée de Bormann, c'était de sauver le nazisme, d'abord. Oui, c'était son idée. Voilà, mais de quelle façon? Parce que on pouvait sauver les hommes, mais sauver l'idéologie. L'argent devait servir à financer des publications, des journaux, à acheter des hommes. Bon, toujours la même technique, quoi, la subversion. Et ça a marché? Il suffit de voir ce qui s'est passé en Amérique du Sud. Derrière tous les régimes autoritaires, il y avait l'ancien nazi. Au Paraguay, au Chili, en Argentine. On vient d'en parler de l'Argentine. Ouais, et puis dans certains pays arabes aussi, qui finançaient la propagande antisémite. Sinon, ces hommes de l'ombre escapés du Troisième Reich. Alors aujourd'hui? Leur brin existe toujours. Bon, il a pris maintenant des couleurs respectables. Il a été investi dans des sociétés au-dessus de tout soupçon. Enfin, il faut quand même rester vigilant. Les nazis ne renoncent jamais. Bon, et puis leur fameux trésor peut à tout moment servir à financer la renaissance de la peste brune. Il suffit simplement de voir la montée en puissance des partis d'extrême droite et des intégrismes de tout poil. Libre à M. X de nous livrer cette opinion. Mais dans l'ouvrage de Wiesenthal, dont je vous ai déjà parlé, j'ai trouvé mention d'un rapport américain établi après-guerre. Il met en évidence l'existence de 750 sociétés montées dans le monde entier par les Allemands avec des fonds allemands. 112 en Espagne, 58 au Portugal, 35 en Turquie, 98 en Argentine, 214 en Suisse et 233 dans divers autres pays, surtout en Amérique du Sud. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel entretien avec Monsieur X.